Je lui fais pas confiance. Je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles en ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que j'ai crevé pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Je lui fais pas confiance. Je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles en ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que j'ai crevé pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Pull up ton bloc, comme un Gilles Glock. Tous malhonnêtes, on fait les coques. Son corps j'accroche, lâche. Comment, lumière éteinte, j'entre dans la chambre. Mais tu as beau faire tout dans la vente. S'il y a trop de bacs, faut que tu payes ton temps. Y'a mon plug, mon squat qui attend. Ce qu'on vit, tu peux pas comprendre. La poudre est blanche, vendue par un nègre. Grave mécra, sa visère. Et tu sais que l'entreprise prolifère. Sur le corps, on a rien à les somnifères. Mes empreintes pissent ma feuille, cette ligne m'envoie dans le cercueil. J'te fais la cour, j'te fais l'amour. Après te l'avoir demi, j'serai seul. Nous fais pas confiance, je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles, on s'ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que tu crevais pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Nous fais pas confiance, je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles, on s'ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que tu crevais pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Pull up, pull up, pull up. J'suis en bas du bloc, je fume la porte. Pas comme la famille Amada. Quand tu veux faire couler mon bateau, on le fait pour des lovés. Sur la zone de guerre, tu peux me voir. Comme la rue, je te dévore. Mettre la maman au chaud, c'est mon devoir. Pas de récompense, je veux les circonstances. Il vaut mieux que tout ce fric j'entasse. Pas de récompense, je veux les circonstances. Il vaut mieux que tout ce fric j'entasse. Et qu'à ça du blender, y'a pas de place. C'est la base de la urne, dis pas de blague. Nous fais pas confiance, je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles, on s'ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que tu crevais pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Nous fais pas confiance, je roule un spliff, elle danse. Y'a des grosses bouteilles, on s'ambiance. Elle sait qu'on est dans la tendance. Si t'es pas prêt, vaut mieux renoncer. Que tu crevais pour ton raté. Pull up le game pour délover. J'ai mis tous mes sentiments de côté. Je roule un spliff, elle danse. Oh yeah, c'est qu'on est dans la tendance. Oh yeah.